Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous à propos de Magic Knight Rayearth et autres clamperies. Après avoir étendu récemment un épisode du podcast des Nous sur Mazin Kaiser à la carrière de Go Nagai, je veux profiter de l'opportunité d'avoir fini de regarder les animés de Magic Knight Rayearth pour parler un peu de Clamp. Clamp est un studio de manga, un groupe de quatre femmes créant ensemble un bon petit paquet de manga marquant. À l'origine, Clamp est un studio de 11 jeunes femmes faisant dans la seconde moitié des années 80 du doujinshi, ou fanzine du manga amateur, notamment du fan manga de Capitaine Tsubasa, mieux connu en français sous le titre Olive et Tom, et du doujinshi yaoi, ou fan manga homo-érotique, de Saint Seiya. Elles sont devenues auteurs professionnels avec la série RG Veta, tout en perdant assez rapidement la majorité de ses membres pour en venir à l'actuel 4. RG Veda a été publié en 10 volumes de 1989 à 1996. J'ai essayé de lire cette série il y a fort longtemps, je ne me souviens pas de grande chose, si ce n'est que je n'ai même pas lu le premier volume au complet tellement ça m'ennuyait. Nanase Okawa en est la leader et scénariste des quatre membres du studio. Mokona est habituellement la caractère designer en chef, tandis que Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi s'occupent plus des backgrounds. Mais les trois artistes tendent à s'échanger leurs tâches d'une série à l'autre, selon lequel des styles graphiques des trois est le plus approprié au sujet de l'œuvre. Mokona semble être tout de même à la tête du dessin en étant habituellement en charge du caractère design, d'illustration, des couleurs et de la composition. Tsubaki Nekoi serait co-directrice et s'occuperait particulièrement de l'application des trames et corriger les illustrations tout en incitant Mokona et sur certaines œuvres à être en charge. Satsuki Igarashi s'occupe des onomatopées tout en assistant Mokona et sur certaines œuvres à être en charge. Le groupe n'utilise pas d'assistant, les trois artistes s'assistant elles-mêmes. Avec de nombreux titres populaires auprès des filles et des garçons, Clamp a su imposer son style et inspirer de nombreux créateurs dans les années 90. Leur style est notamment reconnaissable au design fort détaillé de leurs personnages, notamment de leurs costumes. Ils ont aussi une tendance à lier leurs œuvres les unes aux autres, notamment à réutiliser des personnages d'une série à l'autre, comme le faisait autrefois le grand Osamu Tezuka, mais aussi parfois en liant les séries plus directement. Un manga populaire de Clamp que je n'ai pas lu ni vu est Tokyo Babylon en 7 volumes de 1990 à 1993 et 2 OAV en 1992-94 par le studio Madhouse. X fait suite à Tokyo Babylon, un très grand succès publié en 18 volumes de 1992 à 2003 suite à son interruption par ses auteurs. En 1996 est sorti le film X ou X-1999, ou X-The-Movie, réalisé par Rintaro, sur un scénario qu'il aurait écrit avec Nanase Okawa, scénariste de Clamp, animé par le studio Madhouse, avec une fin originale puisque le manga était toujours en cours de publication. Il n'a jamais été terminé de toute façon. Ce film est bel et bien un film de Clamp, on reconnaît le genre d'éléments visuels qu'elles utilisent, mais on est très loin de Magic Knight Rayearth et Cardcaptor Sakura, ce film est clairement pas pour les enfants, avec quelques moments violents. Ce film est bel et bien aussi un film de Rintaro, très stylisé et adapté en un seul film, une longue série, avec une tonne de personnages en méga ultra résumé, pas toujours parfaitement compréhensible, avec un paquet de personnages rapidement introduits et pas véritablement approfondis. Mais ce n'est pas vraiment un mal, le film est ultra stylé, cool, très joli visuellement, divertissant dans une certaine mesure, tout en ayant quelques moments forts en émotion. Le film est pas mal une succession de combats bizarres, de visions prophétiques apocalyptiques et de blabla autour de cette vision, on comprend éventuellement, avec possiblement l'aide de la série. Il y a les dragons du ciel et les dragons de la terre qui doivent se battre pour sauver l'humanité et ou la terre. Un groupe ayant une voyante du futur dans ses rêves, l'autre sa sœur, qui peut voir les rêves prémonitoires de la première. Affrontement qui ira de l'avant avec l'arrivée du héros Kamui, voulant protéger ses amis d'enfance, un frère et une sœur, celui-ci aura à choisir quel groupe il veut rejoindre, ce qui n'est pas si simple. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que la performance de notre gouvernement provincial au Québec actuellement. Je ne serais pas surpris que ça soit d'actualité le jour où on va voir un gouvernement différent. Donc, le film de X se mérite, selon moi, une note de 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête. Puis, en 2001-2002, il y a eu X-TV, l'adaptation de X, toujours en cours de publication, en une série animée pour la télévision, en 24 épisodes, toujours par le studio Madhouse, avec Yoshiaki Kawajiri à la réalisation, mieux connu pour Wicked City, le deuxième segment de Neo Tokyo, Demon City Shinjuku, Ninja Scroll, Vampire Hunter D Bloodlust et un épisode des Animatrix. Très bonne série, un peu sombre mais riche, beaucoup plus compréhensible que le film et bien sûr pas aussi bien techniquement ou au niveau du style, mais stylé quand même. On approfondit vraiment les personnages. Ça avance quand même assez vite, paraît-il que le manga est beaucoup plus long à mettre en place ses personnages et son intrigue, mais les gens derrière l'animé se sont dit que ce n'était pas nécessaire d'autant s'éterniser, le camp des personnages étant déjà connu, le film y aidant. Il y a tout de même quelques longueurs par moment. La série aurait sans doute pu durer quelques épisodes de moins. Cela me surprend que la version la plus sage, la moins violente, soit de ce réalisateur, mais on ne peut bien sûr pas s'en permettre autant à la télévision qu'en vidéo ou au cinéma. Les musiques sont bonnes, mais trop peu nombreuses avec un thème dramatique fait par un orchestre, une version plus relaxe et intimiste au piano de la même musique et une petite musique d'ambiance un peu mystérieuse qui me rappelle la série animée Spawn, ou dans une moindre mesure Demon City Shinjuku, et peut-être d'autres trucs du même réalisateur, je ne serais pas surpris que ce réalisateur collabore avec le même compositeur. Plus deux chansons pour les génériques bien sûr, un opening rocky sympa pour le début et un truc jazzesque assez moyen pour la fin. Il y a bien quelques autres petites musiques d'accompagnement, mais c'est pas mal toujours les mêmes musiques qui reviennent. Le design des personnages est assez différent du genre de design dans les films de ce réalisateur que j'ai vu, mais la construction des plans me semble relativement similaire. Même si c'est relativement peu violent et basé sur une œuvre de Clamp avec la patte du groupe d'autrice, cela me fait penser relativement pas mal à l'ambiance de Demon City Shinjuku, qui au lieu de se passer dans un quartier actuel de Tokyo après l'apocalypse pour le quartier, pour empêcher l'apocalypse pour le reste du monde, se passe dans un Tokyo actuel avant l'apocalypse que l'on veut prévenir. S'il est effectivement surprenant pour une œuvre relativement plus violente d'avoir ce réalisateur, cela fait tout de même du sens. Je donnerai donc à cette série une note de 4 sur 5. C'est vraiment excellent, à mon avis, meilleur que le film, même si le film était très, très amusant. Il ne faut pas trop s'en faire avec les spoilers d'avoir vu une version avant l'autre. Le film est sorti avant la série, mais je l'ai vu après sans aucun problème. Par la décision des membres de Clamp, chaque version a sa propre fin différente. Le manga n'aura sans doute jamais de fin, mais nous ne sommes pas abandonnés sans rien puisqu'il y a les deux fins animées. On peut très bien aussi choisir que la fin ne sera jamais décidée puisque le manga a été abandonné avant la fin. Les versions animées s'étant toutes deux terminées avant la fin de l'œuvre originale. Maintenant, pour passer à quelque chose de complètement différent, surtout, il y a eu Magic Knight Rayearth, publié en 6 volumes de 1993 à 1996, qui a été adapté en deux saisons, totalisant 49 épisodes en 1994-95 et 3 OAV de 45 minutes, chacun en 1997, animé par TMS Entertainment. Je n'ai pas lu le manga, je base donc mon avis sur les animés. Le succès de ce manga a popularisé dans les années 90 une petite vague de shoujo isekai dont font partie Fushigi Yugi et Esclaflone. Bon, Fushigi Yugi a commencé sa publication un peu avant, mais le succès de Magic Knight Rayearth a sûrement contribué au succès de cette dernière série et son éventuelle adaptation animée, tandis que Esclaflone est beaucoup plus récent et un sommet. Donc, l'idée d'une fiction où les personnages vont dans un autre monde, l'isekai, n'est certes pas une idée nouvelle. Il suffit de penser au Magicien d'Oz ou bien à Alice au Pays des Merveilles, mais le succès de Magic Knight Rayearth poussera un peu les Japonais à utiliser plus ce sujet pendant quelques années, néanmoins bien peu en comparaison avec la vague actuelle d'isekai qui pleut depuis le succès de Sword Art Online, une vague qui n'a strictement rien à voir avec Magic Knight Rayearth, la série de clans ne présentant pas un personnage généralement réincarné dans un autre monde où il est ultra puissant et où toutes les femmes lui tombent dans les bras comme échappatoire à notre triste réalité, mais plutôt un groupe de trois filles qui sont appelées dans un autre monde afin de réaliser une quête pendant laquelle elles vont progressivement acquérir des pouvoirs et bien sûr au final faire évoluer les personnages pour quand ils reviendront dans notre monde. La série commence bien sûr avec des étudiantes de plusieurs écoles en visite à la tour de Tokyo, endroit abondamment utilisé dans les séries de Clamp. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une tour au design copié sur la tour Eiffel, mais en plus grand et en rouge et blanc. Elles sont amenées dans l'autre monde, où elles auront éventuellement à combattre celui qui a enlevé la grande princesse, qui, par ses prières constantes, permet au monde de continuer d'exister. Pour y parvenir, elles devront dans un premier temps acquérir des armes magiques et plus tard éventuellement contrôler des mechas. Une petite créature mignonne va les guider. La série suit en général un schéma classique avec une suite d'épisodes relativement indépendants les uns des autres où nos héroïnes devront affronter l'obstacle, le monstre ou l'adversaire de l'épisode. Les héroïnes sont un peu plus travaillées qu'on aurait pu croire, elles ne sont pas juste unidimensionnelles. La fin, diffère pas mal de ce à quoi on s'attendait, ce qui n'est pas un mal, du moins dans l'immédiat, à la fin de la première saison ou du troisième volume du manga. Devant le succès, l'éditeur a demandé à Clamp de continuer la série, ce qui n'avait absolument pas été prévu, et vient entrer en conflit avec la fin originale. Elles vont trouver un moyen de continuer l'histoire d'une manière qui fait sens avec la conclusion de la première partie, mais cela va donner un résultat relativement différent. L'histoire a beaucoup plus de suivi, surtout au milieu où on alterne entre plusieurs situations pour chacune des trois héroïnes, ce qui crée artificiellement de la tension. Cela grandit aussi l'écart entre les trois héroïnes, l'une des trois étant un peu plus principale que les deux autres dans la première saison, comme le laisse présager le titre de la série, quand on sait à ce à quoi il fait référence, celle-ci devient clairement le principal protagoniste de la seconde saison, les deux autres étant pratiquement devenus des faire-valoir. Il y a aussi, étonnant pour une série maintenant plus à suivre, beaucoup de longueur, mais la seconde saison a aussi ses bons moments avec de nouveaux personnages plutôt intéressants ou amusants. Les trois OAV ne sont aucunement une suite, plutôt un remake, quoiqu'en très différent. Cette fois-ci, ce ne sont plus les héroïnes qui vont dans l'autre monde, mais l'autre monde qui vient à nous, ou du moins divers personnages et éléments, tout en accentuant le côté mystique de la série avec une animation de niveau presque cinématographique et une musique orchestrale. Le sentiment est très différent, sans doute moins féminin, certainement pas de l'héroïque fantasy classique comme la série originale, avec quelques longueurs et absolument incohérent avec la série originale, mais ça reste divertissement et bien fait. Je donnerai donc un 3 sur 5 pour les deux saisons et les OAV, même si la première saison est sans doute le meilleur. Il y a bien sûr eu l'incontournable Cardcaptor Sakura, Sakura chasseuse de cartes, publié en 12 volumes de 1996 à 2000, avec l'adaptation animée par Madhouse en 70 épisodes, répartis en 3 saisons de 1998 à 2000, avec 2 films, Cardcaptor Sakura The Movie en 1999, sorti entre la 2e et 3e saison, même si c'est... Ça ferait, il me semble, plus de sens entre les deux premières, narrativement. Et Cardcaptor Sakura Movie 2, The Sealed Card, servant d'épilogue à la série. Cette série de Magical Girl est tout à fait charmante pour les deux sexes, avec des personnages sympathiques, une aura de mystère plutôt stylée, un humour sympatoche, de bons sentiments et une réalisation bien soignée. J'ai de la difficulté avec le manga au dessin un peu trop typique du shoujo à mon goût, mais j'ai adoré l'anime. Certains lui reprochent de s'éloigner du manga en ajoutant une tonne de cartes dans la première saison et une partie de la seconde, en montrant un peu moins les relations pouvant choquer le grand public et en coupant une bonne partie du dernier volume du manga, mais cela s'est fait avec la participation de la scénariste du manga. Les épisodes additionnels sont loin d'être mauvais. L'adaptation souligne peut-être moins certaines relations, surtout une qui est sérieusement problématique, mais elle ne les cache pas. Sauf la relation problématique entre une fillette et son prof adulte, qui donne dans l'animé plus l'impression d'un amour à sens unique et de simples relations cordiales dans l'autre sens, et pour ce qui est de la fin. L'essentiel se trouve présent de manière très réussie et forte, quoique à la cohérence disputable, dans le second film. Par contre, il faut faire attention aux versions. Si la version française est relativement fidèle à la version originale, mis à part le changement de nom des personnages pour des noms plus français, à l'exception de Sakura, il existe une version anglaise qui dénature complètement la série en tant que Cardcaptors, qui coupe un paquet d'épisodes, essaie de donner une importance égale à Sakura et Shaolin Lee, Lionel en français, et change la personnalité de Sakura. Il existe aussi en français des génériques différents des originaux ou d'une simple traduction des originaux avec l'informe truc Eurodance de Froggy Mix, heureusement jamais diffusé au Québec, et spécifiquement au Québec, le générique de la première saison avait été remplacé par la réutilisation de la séquence de rêve du premier épisode avec le titre de la série Incrusté. Ce qui est sans doute une bonne idée pour donner envie à un public masculin tel que moi à l'époque, qui aurait sans doute fui avec le générique original. À mon avis, Sakura chasseuse de cartes se mérite une note de 4 sur 5, c'est vraiment, vraiment excellent. Avec Angelique Layer en 5 volumes de 1999 à 2001, adapté en animé de 26 épisodes par le studio Bones en 2001, Clamp cherche cette fois-ci à s'adresser directement à un public de garçons avec une série sportive autour d'affrontements de poupées mécanisées, contrôlés mentalement par leur propriétaire. C'est un divertissement correct, mais je n'ai vu que la version animée, à laquelle je donne une note de 3 sur 5. Avec Chobits en 8 volumes de 2000 à 2002 et adapté pour la télévision en 27 épisodes en 2002 par Madhouse, Clamp cherche maintenant à s'adresser à un public de jeunes adultes avec du seinen. J'ai eu énormément de difficultés avec le manga, mais l'animé passe très bien, c'est supposé se poser dans le même univers qu'Angelique Layer, il me semble, un monde vaguement futuriste où il y a des persos comme des ordinateurs personnels avec une forme humaine. Le personnage principal est un étudiant du collège qui aimerait bien avoir un persocom, mais qui n'a bien sûr pas les moyens. Mais il va tomber sur un persocom dans les vidanges. Il va réussir à la redémarrer après avoir trouvé son bouton power bien caché dans un orifice. Mais celui-ci se révèle amnésique. Il va donc essayer de lui apprendre un peu de tout. Je donnerai donc à Chobits une note de 3 sur 5 pour la version animée. Le manga, je suis pas trop fan, ça va rester du 2 sur 5. Clamp va décider de se lancer dans du multivers qui relie ensemble différentes séries avec XXX Holic en 23 volumes, inachevé de 2003 à 2017, adapté en 37 épisodes et 4 OAV par Production IG de 2006 à 2008, et Tsubasa Reservoir Chronicle en 28 volumes de 2003 à 2009, adapté en 52 épisodes par B-Train en 2005-2006. Je n'en ai rien vu, moyennement intéressé par un trip mélangeant deux séries, l'une interrompue au profit de l'autre, éventuellement abandonnée, dont aucune adaptation n'est complète, et ce malgré la curiosité de l'utilisation de Sakura et Lionel dans la seconde série. Depuis 2016, Clamp fait Cardcaptor Sakura Clear Card, une suite à Cardcaptor Sakura, déjà presque aussi longue que la série originale alors que celle-ci faisait deux arcs. Madhouse a produit une saison de 22 épisodes en 2018 et un OAV préquel en 2017. À l'utilité questionnable, celui-ci étant, paraît-il, une adaptation de la portion manquante du manga original, alors que l'adaptation animée ferait suite aux anciens animés et non au manga original, en acceptant les différences de l'adaptation. Je ne l'ai pas vu, je préfère attendre que ça soit terminé, et même encore mieux, que l'adaptation animée soit continuée jusqu'à la fin, et pourquoi pas, soyons fous, un doublage français avec le casting de la première série. Clamp a bien évidemment fait plusieurs autres mangas, mais j'ai préféré m'attarder aux titres incontournables, notamment ceux que j'ai vus. Magic Knight Rayearth n'est peut-être pas mon œuvre préférée de Clamp, c'est loin de X et Sakura, mais ça reste une série très amusante et un titre très marquant dans l'industrie japonaise. Sur ce, au revoir et à bientôt!